T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ignition. Liftoff. Liftoff. Gentlemen, we interrupt our program. Écoutez Planète Indie sur votre fréquence préférée et partez à la découverte de nouveaux horizons musicaux. We are as monsters. Yeah, let's see. Nord au sud, est en ouest, ouais. Stay tuned for more rock and roll. It's 90.5 KCSU Fort Collins. You hear it before they kill it. This is new music on U92 FM. Attention, ladies and gentlemen, allez directement maintenant. Bonjour à toutes, bonjour à tous, et oui, Planète Indie, ça commence maintenant. Nous sommes le samedi 7 avril 2018, c'est l'épisode numéro 395 de Planète Indie. Bienvenue, et bienvenue à vous, et le bienvenue au soleil aussi, puisque aujourd'hui il est vraiment de la partie. En venant tout à l'heure au studio, le thermomètre de ma voiture indiquait 22,5 degrés, donc c'est presque l'été. Et puis je suis aussi une illustration parfaite de la loi de Murphy, puisque vous l'entendez peut-être, l'été est là et moi je commence à attraper le rhume et mal à la gorge. Donc, enfin quelque part c'est tout profit pour vous parce que je vais peut-être parler un petit peu moins et il y aura peut-être un peu plus de musique que d'habitude. En tout cas on a prévu un programme consistant comme chaque mois. Je vous rappelle que nous sommes ensemble chaque premier samedi du mois entre 17h et 18h30 pour le meilleur de la musique indépendante, le meilleur de la musique alternative. Au programme d'aujourd'hui, eh bien, un mix entre des nouveautés encore jamais diffusées dans cette émission. Je pense notamment à la nouvelle collaboration entre Sergei 77 et John Camp. Je pense à Dan Cunningham. Je pense à Martin Kerr. Je pense au groupe suisse Nucléaire Tribal. Et puis d'autres plus habitués de l'émission. On peut citer Paul Messenger, qui était notre powerplay le mois dernier. On peut citer les Nightbirds ou les Syndromes. Et comme par hasard, c'est avec ces deux groupes qu'on va commencer. Tout d'abord les Syndromes avec Over My Head, et ensuite donc les Nightbirds, I Don't Like It. En tout cas, nous, on espère que vous allez aimer le programme musical, j'allais dire de ce soir, mais on est passé à l'heure d'été, donc on va dire de ce début de fin d'après-midi. N'hésitez pas à nous rejoindre aussi sur Facebook, tapez Planète Indie dans Facebook, il n'y a pas de souci. Et puis vous pouvez nous faire aussi vos commentaires par téléphone au 26 54 00 44. 26 54 00 44. Allez, place à la musique et tout de suite donc les Syndromes avec Over My Head. We'll be right back. when you say that that ain't true. Ooh, every day's a cold, cold day. I come over you. I know to you it's just a game. That's how I justify the pain. In a perfect world there would be no rain. Ooh, every day's a cold, cold day. I come over you. The sun is going down, and I don't like it 'cause you're nowhere to be found. I'm just hanging around, so lonely and blue. Ooh, every day's a cold, cold day. I come over you. Every day's a cold, cold day. I come over you. Ooh, every day's a cold, cold day. Come over you. Hey, this is Elijah Tucker, and you're listening to Planet Indie. Hi, this is Michael from Socionic, and you're listening to Planet Indie. Bonjour, je m'appelle Casey Batterby de Blue Eyed Sun, et vous écoutez Planet Indie. It's hard to the bone, only to day. Another Day, c'est le titre de ce morceau du groupe suédois Bonefish. Ils nous reviennent cette année avec un nouvel album, un album intitulé Atoms. D'ici quelques minutes, eh bien, nous allons partir à la découverte de notre album Powerplay. Il nous emmènera cet après-midi du côté des États-Unis. Avant cela, on va encore écouter Mary Battiata accompagnée de Little Pink avec le morceau Knockout Boy. Mais tout de suite, un autre artiste suédois, enfin non, un autre groupe suédois qui s'appelle High on Martel. Et on les écoute avec le morceau Good Enough. S'il veut bien démarrer, parce que c'est toujours la même chose, le premier. Voilà. Premier CD de la soirée, c'est toujours pareil, il faut toujours appuyer plus fort. What you see is what you get. What you see is what you get. Worn-out shoes and hair's a mess. What you see is what you get. You can't say I don't make an effort and that I never really try. But no matter how hard I work, I'll be the same till the day I die. I swear I have the best of intentions, and I just wanna do good. Things I say might come out the wrong way, and I get misunderstood. What you see is what you get. What you see is what you get. Worn out shoes and hair's a mess. What you see is what you get. You get. Mm-hmm. you get. What you see is what you get. Wore out shoes and hair's a mess. What you see is what you get. Just like one. l'instant, c'était le duo Marie Batiata avec Little Ping et le morceau Knockout Boy. On retrouvera un autre duo, à savoir Sergei 77 et John Camp, d'ici quelques minutes. Mais avant cela, on doit passer, enfin on doit, c'est la tradition, puisque chaque mois on part à la découverte d'un album Powerplay. Eh bien, c'est l'heure pour aujourd'hui. Alors cet album nous emmène du côté des États-Unis. C'est l'album du groupe Aetopus. Aetopus est un... comment est-ce qu'on va dire, un projet de musique électronique qui est à la base duquel se trouve le compositeur Brian Tewell Hughes. Un projet et un groupe, on va dire, de musique électronique qui a reçu pas mal eh bien, de commentaires positifs dans le milieu de la musique électronique et la musique New Age. Enfin, moi je dis Aetopus, mais la prononciation exacte c'est Aetopus. Ce mot, qu'est-ce qu'il veut dire ? Eh bien, c'est un mot inventé, créé, composé par Brian lui-même. C'est un mot qui dérive de deux autres mots. C'est une composition entre le mot Ae, qui veut dire le temps, et Topus, qui veut dire l'endroit. Cependant, il n'y a aucune volonté d'être totalement précis d'un point de vue linguistique ou historique. Qui est Brian Tewell Hughes ? Eh bien, Brian Tewell Hughes est né, on va dire Brian, parce que c'est plus facile. Elle est née le 19 mai 1966 à Quantico, en Virginie. Il a commencé à prendre des leçons de piano dès l'âge de 6 ans. Puis il a commencé à jouer de la guitare basse à l'âge de 17 ans. Et à la même époque, eh bien, il commençait à produire ses premiers films amateurs, puisqu'il a toujours été passionné par le monde aussi des arts visuels. On va le voir aussi un peu plus loin. Il avait aussi une passion pour la science-fiction et les films de fantasy, ainsi que eh bien, pour la musique qui accompagnait ces films d'heroic fantasy. C'est ce qu'on verra aussi eh bien, dans cette influence dans sa musique actuelle. Il a été confronté à la musique électronique et la musique New Age, c'est ce qu'il dit, en tout cas par ses grands-parents au début des années 80. Et parmi ses références, il nomme Ray Lynch, Kitaro, Vangelis ou encore Tangerine Dreams. Entre 87 et 97, eh bien, il a continué à jouer de la basse dans des groupes locaux de blues, reggae, funk, voire punk, du côté de Moscou pas en Russie, mais Moscou dans l'Idaho. Et c'est là aussi qu'il a obtenu son diplôme en beaux-arts, orientation peinture. Donc vous voyez de nouveau l'importance des images. Importance aussi puisqu'il a travaillé aussi pendant quelques temps en tant qu'artiste tatoueur. Il a aussi joué du côté de Portland et du côté de Bellingham dans l'état de Washington, là où il vit actuellement. Il a sorti un premier album solo qui s'appelait Anthropic Take 1999. Et puis après cela, il a commencé un stage d'ingénieur du son dans le studio Binary Recording à Bellingham. Depuis lors, eh bien, il a consacré son énergie musicale au groupe Aetopus. Et son premier album est sorti en 2002. Il s'appelait Memories of the Elder. C'est aussi un artiste visuel, comme on le disait, puisque c'est lui qui crée lui-même les pochettes et les images sur de ses CD. Son dernier album s'appelle Totem Totum. Il est sorti très très récemment. On en écoute un premier extrait comme Powerplay. This is our home. C'est ce qu'on en écoutait d'ailleurs en musique de fond jusque maintenant. Allez, je laisse la place à la musique. Totem Totum, c'est Aetopus, c'est notre Powerplay aujourd'hui dans Planète Indie. Power play. vous avais dit qu'on allait voyager aujourd'hui comme d'habitude quelque part, puisque ici c'est une production serbo-grecque, à savoir une collaboration entre Dani Jelajovic, à savoir Sergei77, et John Camp, alias John Campouropoulos. On reste dans ce coin des Balkans, ou en Slovénie, avec Tom Toman featuring Eva Boruta. Borula, c'est le morceau Lady Phoenix. Let me take you there, where shores of sand and starry skies will hear your Buddha's prayer. Me. I couldn't even remember Stop Looking Back, c'est le titre de ce morceau. Enfin, pour être tout à fait précis, le morceau s'intitule Don't Look Back. C'était Eva de la Family of Barry. Je vous rappelle que vous écoutez à l'écoute de Planet Indie. Nous sommes ensemble chaque premier samedi du mois entre 17h et 18h30 et en direct, s'il vous plaît. Émission rediffusée demain dimanche aux mêmes heures sur cette même fréquence. Et puis vous pouvez aussi retrouver le podcast de cette émission sur notre site internet www.ilovemusic.ga. Et puis rejoignez-nous aussi sur Facebook, dans notre groupe Facebook. Il y a pas mal de gens et notamment d'artistes qu'on entend au cours des différentes émissions. On est presque à la moitié de l'émission d'aujourd'hui et on a pratiquement rattrapé le petit retard qu'on avait tout à l'heure. Alors on va essayer de ne pas en reprendre de nouveau et on va laisser la place à Kelsey Ballerini. Kelsey Ballerini, c'est un peu la nouvelle star montante de la musique country folk aux États-Unis. On l'écoute avec le morceau I Hate Love Song, cet extrait de son tout nouvel album qui s'appelle quant à lui Unapologetically, Kelsey Ballerini. Et puis après elle, il sera déjà temps de retourner sur notre album Powerplay, l'album de Aetopus. And cakes with white frosting, two names in a heart-shaped tattoo. I think Cupid is stupid and violets are purple, not blue. I hate catching bouquets, the honeymoon phase, and letterman jackets don't fit. Your eyes can't hold stars and you die if your heart really skipped. I hate love songs. Yeah, I really do. I hate love songs, but I love you. I hate pink cards with glitter and Valentine's dinner and roses just die in a week. We were drunk when we met, so we don't know our anniversary. Too vain to kiss in the rain. The clouds, they are numbered tonight. And you make me feel something, but it sure as hell ain't butterflies. And I hate love songs. Yeah, I really do. Thank you. Voilà, c'était donc Kelsey Ballerini, I Hate Love Songs, extrait de son album Unapologetically. Retour sur notre album Powerplay, l'album Totem Totum de Aetopus. La musique d'Aetopus a été généralement décrite comme étant un mélange de divers sous-genres de la musique électronique. Le son Aetopus a été aussi reconnu comme étant un son quelque peu unique et métissé, un son un peu difficile à caractériser puisqu'il était un peu trop fantastique et trop original pour qu'on puisse l'appeler de la musique New Age, voire de la musique World. Et d'un autre côté, c'était un son trop dynamique pour être considéré comme de la pure musique ambient ou chill out. Brian, donc, comme on a décidé de l'appeler, parvient toujours à bien garder ses compositions actives et à inclure des instrumentations diverses. Le son Aetopus, il combine à la fois des sons de synthèse et des sons d'éléments préenregistrés. Il y a souvent des sons enregistrés dans la nature et voire même des paroles humaines. C'est une musique qui rappelle un peu les débuts de la musique et le New Age électronique et donc, comme on vient de dire, elle contenait pas mal de sons de synthétiseurs. Il y a aussi parfois la présence de sons d'orchestre et voire de sons ethniques. On entend de temps en temps, si on fait bien attention, du violon, des percussions africaines, voire même du son de cornemuse. Mais là, il faut vraiment faire attention. Qu'est-ce que je voulais encore vous dire d'autre avant de retourner à la musique ? Oui, les albums d'Aetopus sont souvent aussi pas seulement une collection de morceaux qui sont placés les uns à côté des autres, mais Brian fait aussi porte une certaine attention à faire de ses albums et à inclure dans ses albums une progression musicale thématique. Voilà, je vais me taire pour l'heure. On retourne donc sur cet album Totem Totum. C'est notre powerplay d'aujourd'hui dans Planète Indie. Et le morceau qu'on va écouter s'intitule Marker at Dusk. Powerplay. Powerplay. Greetings, this is Brian Tool Hughes of Aetopus, and you are listening to Planet Indie. Thank you.

but sitting here won't teach me what it means. So take a walk, lift your head and see the sunrise. You don't need to read the news today, it's mostly lies. If you wanna know you're not alone, get your fingers off your phone. Get up out of your comfort zone and improvise. I won't be tethered to technology no more. I feel my feathers getting. I'm turning off to take a little time. And I don't need one more electrical sedative. So take a walk, lift your head and see the sunrise. You don't need to read the news today, it's mostly lies. If you wanna know you're not alone, get your fingers up your phone. There are friends all over town you haven't met. There is so much more to be beyond the internet. Empty pockets, empty hands, and you'll be all set. À l'instant, c'était Martin Kerr avec Little Screens. Avant cela, Dan Cunningham, Out of My Mind. Je vous avais dit qu'on voyait bouger beaucoup. On va aller maintenant du côté de la Suisse avec le groupe Nucléaire Tribal, à l'origine duquel se trouve Damien Thierry. On va l'écouter avec le morceau Consomme. Puis après cela, ce sera Courtney Yasminet, Show Me, et le morceau Show Me qui nous emmènera progressivement vers notre troisième et dernière visite sur l'album Totem Totum d'Aetopus, notre powerplay aujourd'hui dans Planète Indie. Des chiens aboient contre les grilles et sur le quai des hommes crient alors que tu sors d'un convoi avec des sanglots dans la voix. Des hommes hurlent et d'autres rient tandis que tu te déshabilles dans la clarté de projecteurs qui te pénètrent jusqu'au cœur. Tu as mis la chemise qu'à la va-vite on t'a remise et dans une tenue rayée tu as rejoint les prisonniers. Avec beaucoup de discrétion tu as passé la sélection, tu as été jugé conforme à la demande et à la norme. Aussi pourras-tu t'enrichir sans trop avoir à réfléchir, tout comme une bête de somme qui travaille obéit. Tu articules, tu as perdu jusqu'à ton nom, jusqu'au pouvoir de dire non. Mais peu importe, puisque tu as déjà perdu ta vertu, la perspective d'un salaire exclut tout retour en arrière. Tu hurles même avec les loups à tel point que les chiens jaloux n'aboient plus que quelques antigones qui ont peur qu'on les emprisonne. Toi le travail t'a libéré, autrefois brebis égarée, tu as intégré le troupeau dont tu es le porte-drapeau. gave her everything. She became his only dream. She wanted nothing more than to be in his arms. An unspeakable splendor rose up between them, shone like a rising star. When the lights went out, she was the brains of the operation. He was the moral compass, even though they both thought it was the other way around. He was a hard worker, she was a real high flyer. It was the love between them, took them higher and higher. But doubt set in, fear broke her down. She tried to remember, it was the path they planned between them. And she prayed, show me, show me, show me, show me, show me what love can do. She would pray, show me, show me, show me what love can do. She tried to tell herself she could just walk away, but without his touch, it was sleepless nights, cold comfort. It was warm where he slept. She didn't toss and turn. He stoked the fire at night, and she drew herself to him. It was the love between them, gave them something to believe in. It was the love between them, gave them the will to go on. She would pray, show me, show me, show me, show me, show me what love can do. She would pray, show me, show me, show me what love can do. The mind is no match for the heart, it'll hunt you down at night. The mind is no match for the heart, it'll cut you down to the size. The mind is no match for the heart, you can't fight it, you can't fight it, you can't fight it. Show me, show me, show me, show me, show me what love can do. She would pray, show me, show me, show me what love can do. She would pray, show me, show me, show me, show me, show me what love can do. Une habituée de cette émission, c'est presque une artiste résidente. Elle s'appelle Courtney Yasmin. Elle nous revient en 2018 avec un nouvel album intitulé High Priestess and the Renegade. Et le morceau s'intitulait quant à lui Show Me. Vous avez sûrement pu le deviner par vous-même. Retour pour la troisième et dernière fois sur notre album Powerplay, l'album Totem Totum d'Aetopus. Alors si vous espérez voir le groupe ou le projet sur scène un jour, eh bien c'est pas trop leur tasse de thé, ils sont plutôt une aventure studio. Vous pouvez commander cet album ainsi que d'autres sur les sites Bandcamp, et comme eh bien toute comment est-ce qu'on va dire, la logistique est gérée par l'artiste lui-même, si vous le demandez gentiment, eh bien il se fera aussi un plaisir de vous le dédicacer personnellement. En gros, la discographie de Aetopus, on en a parlé tout à l'heure, le premier album en 2002, Memories of the Elder, 2006, Tempula, 2012, Between Empires, 2013, Angels and Machines, c'est pas un album, c'est plutôt un EP, 2015, When, et 2018, Totem Totum. Donc, leur site internet www.aetopus.com. On vous a mis aussi une vidéo sur le groupe Facebook de Planet Indie. Et puis quelques récompenses qu'ils ont reçues, et bien l'album Between Empires a gagné la récompense du meilleur album électronique en 2012 dans une compétition organisée par le Zone Music Reporter. Tempula a été nommé en 2016 comme dans la catégorie du meilleur album électronique pour le NAR Lifestyle Music Awards. Et puis aussi d'autres nominations pour le EP Angels and Machines en 2013 et en 2015 pour le WEN, pour le ZMR Best Electronic Album. Voilà, je crois que j'ai tout dit. On écoute un troisième extrait qui s'intitule Transhumance. Je vous rappelle donc, c'est Aetopus, notre powerplay, aujourd'hui dans Planète Indie. Greetings, this is Brian Tool Hughes of Aetopus, and you are listening to Planet Indie. Power play. Power play. Thank you. arriba, para arriba, pum. Para arriba, arriba, bien arriba, pum. Hoy serás noticia, arriba, hacia arriba, hoy es tu día, arriba, para arriba, pum. Para arriba, arriba, bien arriba, pum. Hoy serás noticia, arriba, hacia arriba, hoy es tu día. Soy una hoja en la tormenta, soy el revólver que apunta a tu cabeza. Arriba, para arriba, pum. Apunta arriba, arriba, bien arriba. Tus héroes tienen vida. Arriba, hacia arriba, pum. Hoy serás noticia. Arriba, para arriba, pum. Apunta arriba, arriba, bien arriba. Tus héroes tienen vida. Arriba, hacia arriba, pum. Hoy serás noticia. Siempre una razón para estar de pie. Soy lo que está ahí. Fue para ver. Arriba, para arriba, pum. Para arriba, arriba, bien arriba, pum. Hoy serás noticia, arriba, hacia arriba, hoy es tu día. Arriba, para arriba, pum. Apunta arriba, arriba, bien arriba. Tus héroes tienen vida. Arriba, hacia arriba, pum. Hoy serás noticia. Soy una hoja en la tormenta. Soy el revólver que apunta a tu cabeza. Il s'agit d'un autre nouveau venu dans cette émission. Il s'appelle Juan Rey et nous interprétait le morceau Rhythmica. On va passer en revue, on a le temps un peu aujourd'hui, à la programmation de la Rockale pour ce mois. Alors, qu'est-ce qu'il y a de beau au programme ? Ce soir, si je ne m'abuse, oui, c'est ce soir. C'est l'album release du groupe metal luxembourgeois Lost in Pain. Ça se passe au club de la Rocale. Et si vous aimez ça, eh bien sachez qu'en plus, l'entrée sera gratuite. Donc n'hésitez pas. Le 16 avril, c'est le groupe En Vogue. Ça se passe au club aussi. En Vogue, un des groupes féminins, black on pourrait même dire, qui a vendu le plus de disques au monde. N'hésitez pas à voir leurs statistiques sur internet, c'est assez impressionnant. Le 17, ce sera Brigitte. Le 19, Marcus Miller. Alors le 20, ce sera Los Alles Heroes 2018. C'est un spectacle un peu particulier. N'hésitez pas à aller voir, c'est très bien. Et l'entrée est gratuite aussi. Donc voilà. Le 23, Bertrand Cantat. Le 24, c'est les 24 heures Electro for Kids. Et ça se passe au Rock Lab. Le 25, ce sera Blanche. Blanche qui représentait la Belgique à l'Eurovision, c'était l'année dernière, je pense. Le 27, pour les nostalgiques de Rita Mitsuko, on aura la venue de Catherine Ringer. Le 30 avril, Miss Georgia Gray. Le 3 mai, Danko Jones. Et le 4, Romeo Elvis. J'en profite aussi pour vous donner la date de notre prochaine émission en direct. Eh bien, ce sera le samedi 5 mai. Sur cette même fréquence, donc, ce sera l'épisode numéro 396 de Planet Indie. Je vous rappelle aussi que cette émission sera rediffusée, voilà ça que je voulais dire, sera rediffusée demain entre 17h et 18h30 sur cette même fréquence, et puis que vous pouvez aussi nous retrouver le podcast de cette émission sur internet sur notre site www.ilovemusic.ga. On aura peut-être aussi d'autres nouveautés à vous signaler concernant les rediffusions. Donc restez bien branchés et rejoignez-nous sur Facebook pour avoir les dernières nouveautés. On continue en musique avec ACG, AC et puis G en français, et le morceau Black Magic. Magic, la magie noire par ACG. Il est tout doucement l'heure de se quitter. J'étais très heureux de passer ce début de soirée, cette fin d'après-midi, en votre compagnie. J'espère que vous avez apprécié la programmation musicale. Retrouvez-nous donc sur internet www.ilovemusic.ga demain pour une rediffusion. Et puis donc le 5 mai pour notre prochain épisode en direct. Voilà, c'était Planète Indie, épisode numéro 395. On se quitte avec un extrait de notre powerplay du mois dernier, Paul Messenger, avec le morceau The Apple Song, extrait de America 2.0, assorti Tales and Meat. Bon début de soirée, bon week-end et à très bientôt. This song here is about work. I picked apples for 8 years as part of whatever you have to do to become what you are, and I learned that work is empowering. Work frees you and makes you understand what you're capable of. This song's called The Apple Song. You put the bucket in the day long. In my mind I hear this song. All day, could be apple in the bucket. Put the bucket in the bin. Yes, some say the man come to harvest the apple. But I say the apple come to harvest the man. Woman, put the apple in the bucket. All day, put the bucket in the bin. You put the apple in the bucket. All day, put the bucket in the bin. Oh, running Joe, this man doesn't move too slow. Him did not always pick the fruit. Yeah, once him wore the three-piece suit. But now him put the apple in the bucket. All day, put the bucket in the bin. Him put the apple in the bucket. Him put the bucket in the bin. Yeah, some say the man come to harvest the apple. But I say the apple come to harvest the man. Woman, them spreadeth from leaf to tree. The nourish running Joe and me. You see, we put the apple in the bucket. All day, put the bucket in the bin. We put the apple in the bucket. All day, put the bucket in the bin. Yay, some say the man come to harvest the apple. But I say the apple come to harvest the man. Woman, put the bucket in the bin.